Je compte que sur la famille, mais sans condition, moi j'aime que ma mère. Mais quoi qu'il arrive, c'est là-bas jusqu'à l'infini. Définis nos buts pour une décennie, construis des structures qui tiennent toute une vie. Ce n'est que le début, je te promets que bientôt tu ne pourras plus nous rater. Moi j'avais plus rien à manger, j'ai passé mes nuits à prier. C'est pour tous les gens qui ont connu la galère, les coupures de salaire, qui endurent le malaise, la conquête de sa mère. L'endroit où j'ai grandi, ma ville et mon vécu, entouré de bandits. Un peu comme Jésus, cherche la récompense de ta repentance. Je pense à mes potentiels, c'est pour eux que moi et mes frères offensent. Et qu'on utilise notre potentiel, cherche l'essentiel dans cette vie. Dans cette vie, quand tout est sombre et qui investit dans nos écrits pour que notre avenir soit bénis. Ça ne fait plus commencer, bébé. On va le faire jusqu'à la mort et tu le sais. Ça ne fait que commencer, bébé. C'est que tu kiffes, comment ça sonne, on te donne que de la bonne. Viens dans la ville de peine, tu sais qu'on en a des tonnes, il faut que ça résonne. Je pêche des bombes latines, mais dis-moi qu'est-ce qu'elle raconte ta team. Virus te contamine, un truc de dingue, des putes des flingues. Tu kiffes, ça c'est triste, là je maîtrise ma tentation. Je pense à mes potos qui sont en prison, ne savent plus ce qu'ils font. Sont devenus fêlés par ta belle, et les gamines grandissent et deviennent des traînées. Chétan vient s'en mêler, ma rime va payer pour sauver des vies. Je désinfecte avant de poser l'aiguille sur le vinyle. J'envoie la dose pour les potos qui deal dans la ville, qui veulent se barrer sur une île. Kill, prends mon ami, on a mille plantes de builds. Dans mon ami, des PC, on fait ça facilement. C'est la base, imagine dans 10 ans. Non, que le début du commencement. Les tout petits y pensent trop, qu'on pense pas mes dépensements. Conséquence d'une vie de dingue, mais tout de peine. On reste constant et content. On a décidé de prendre nos destins constants. Le nombre de liasses, le nombre de paragraphes. Mais dis-moi combien je gagne, je tape. Plus de 12 mois par année qu'on s'arrache. J'ai mis de côté tous tes torts. Laisse ton esprit, laisse ton corps. Ressens les énergies, le monde est magnétique, circule à travers tes pores. Connexion établie entre la vie et la mort. J'ai pas lâché ma famille ni mes amis. Lis nos sorts. Tu lignes ton corps. Deviens fort. Persévère dans tes projets. T'es là, persévère, je vais te frapper, mauvais. Le mystique des chamans ne savoir des êtres. Sache que c'est risqué d'être élève si t'as pas de maître. Viser le mal te fera renaître. Donc dans mes faits et gestes, je reste modeste. Délicatesse dans mes changements de vitesse. C'est la base. Le début du début. Ça ne fait que commencer, bébé. On va le faire jusqu'à la mort et tu le sais. Ça ne fait que commencer, bébé. Yeah.